Les internationaux d'Australie sont vraiment battent leur plein en Australie et Félix Auger-Aliassime a atteint le carré d'as cette nuit. Il a défait Denis Shapovalov en 3-7, 7-5, 7-5 et également 6-3. On en parle avec Caroline Delisle. Salut Caroline. Oui, bonjour. Caroline, je t'en lève tôt, mais je me suis levé encore plus tôt pour voir le match. Une bonne partie de la nuit. J'ai manqué le premier set. Par contre, je peux te dire que Shapovalov menait 4-2 dans les deux premiers sets. Aliassime l'a remonté. Et dans le troisième set, c'était plus facile. C'était un set quand même assez facile. Quand tu mènes 4-2 dans deux sets puis tu fais remonter, c'est difficile, hein? C'est difficile pour le troisième set. Ouais, c'est sûr. On perd à zéro là, en partant. C'est ça. C'est hein, la côte est plus longue à remonter. Il faut gagner deux autres sets si on peut Surtout espérer jouer 4-2, là. la finale. Mais donner le crédit en match. Je pense que c'est un de ses meilleurs matchs d'ailleurs en termes de aussi au niveau du service. Pas beaucoup de fautes directes. C'est ce qui a un peu ce qui a coulé Shapovalov, là, un petit peu trop d'erreurs, des doubles fautes aussi à l'occasion. C'est pas grand-chose. Hein. Une journée, c'est un qui joue super bien, puis l'autre, ça peut être l'autre. On le sait que c'est deux excellents joueurs avec beaucoup de talent. Très prometteurs. Puis on est très content pour Félix. Là, l'affiche est maintenant de deux victoires de chaque côté. Fait que c'est sûr que c'est pas un style de jeu qui se ressemble, mais au niveau du calibre, ben, écoutez, hein, c'est deux joueurs dans le top 20. Et puis, c'est ça, on s'attendait quand même un excellent match, mais Félix est dessus. Donc, tant mieux pour lui, là. Maintenant, il atteint le quatrième tour, tout comme Raonic d'ailleurs. Fait que là, on a comme deux Canadiens au quatrième tour. C'est la première fois que ça arrive là, en Australie comme ça. Faut dire que Raonic, lui, il fait toujours bien en Australie, hein. Ça fait, je pense, 8 fois sur 11 qu'il atteint le quatrième tour. Fait que je pense qu'il est quand même assez à l'aise là-bas, puis il semble se débrouiller. Puis là, encore, son service est au rendez-vous. Fait qu'écoutez, deux Canadiens. Quatrième tour en Australie, c'est excellent. En espérant que le tournoi va pouvoir se terminer, parce que là, ils ont appelé un confinement là, en plein durant le match de Djokovic cette Ah nuit. oui? Donc, OK. ouais, c'est ça. Il a fallu qu'ils vident le stade pour que le match se termine, parce qu'il fallait que les gens rentrent à la maison. Puis c'était pas prévu, mais Victoria et Melbourne sont en confinement. Donc là, il n'y Donc, aura plus de combien de temps, spectateurs. tu sais pas? Ils ont dit 5 jours. OK. Donc là, il n'y aura plus de spectateurs. Fait que là, je ne sais pas si le tournoi va pouvoir se compléter. Donc, Ou une je vois, pause, mais c'était assez peut-être. particulier hier. Ouais, c'est ça. Il y a eu des éclosions où les j'aimerais, pas nécessairement les joueurs en tant que tels, mais ça peut être d'autres. Je sais qu'il y a eu comme 13 éclosions, quelque chose comme ça. Donc là, c'est cela, hein? C'est pas simple, hein? En tout cas, c'est sûr que là, le tournoi se poursuit, mais là, ça faisait drôle de voir les spectateurs quitter le stade parce qu'il fallait qu'ils rentrent à la maison pour le couvre-feu qui avait été décrété là, durant le match finalement. C'est l'arbitre en chef qui a dit ça, puis c'est ça, fait que c'est quand même assez particulier, mais bon, que voulez-vous, hein? Ils n'ont pas le choix, c'est un décret gouvernemental, fait Ouais, que ouais, ouais. ils n'ont pas le choix. Par contre, les joueurs ont continué. Puis l'entourage des joueurs pouvait demeurer aussi dans le stade, donc les entraîneurs, etc. Là, donc il n'y avait pas beaucoup de personnes, là, peut-être c'est 4-5 personnes dans chaque clan. Là. Puis c'est ça, fait qu'on va en savoir un petit peu plus au fur et à mesure que ça va avancer, là. Ouais, effectivement. Si, écoute, est-ce que tu étais inquiet du fait que Félix Auger-Aliassime et cette défaite en finale? Ben. C'est sûr que c'est pas reluisant comme fiche, hein. C'est le fun de voir quand même que participe à cette finale, là. Ça, c'est quand même pas rien, hein. C'est excellent déjà de se rendre là. Mais c'est sûr qu'on espère que ça lui jouera pas dans la tête, comme on dit, parce que bon, malgré que là, regardez, il a quand même bien rebondi là, après sa défaite. Qui avait pas été quand même excellente, là, faut dire, à plusieurs niveaux, parce que c'est quand même un genre de joueur qui aurait peut-être pu battre, là, on le sait. Mais bon, c'est ça. On dirait tout le temps qu'il nous réserve pas vraiment son meilleur tennis, hein, quand ça vient le temps, là, de disputer le dernier match du tournoi. Mais c'est un jeune qui a vraiment une bonne tête sur les épaules. Moi, je pense que c'est une question de temps. Puis la première finale qu'il va gagner, je pense que ça va vraiment là, le libérer puis lui donner beaucoup de confiance. Fait que, tu sais, non, je pense pas que ça va, que c'est si là, dramatique que ça, là, dans le sens qu'on va voir, mais c'est comme là, il se comporte très bien. Puis d'ailleurs, il dit, hein, il y a comme un petit peu plus de maturité, ouais. Puis il gère mieux un peu les émotions. Fait que, tu sais, je pense que ça va l'aider aussi dans ses prochaines finales, là, parce que, tu sais, quand on est jeune, des fois, on va faire des erreurs, mais là, je pense qu'il prend de la confiance, puis même le fait, là, de battre, tu sais, Shapovalov, je pense que ça va lui donner beaucoup de confiance aussi, surtout en 3-7 comme ça, là. Ben fait que, ouais, tu sais, c'est quand même une belle victoire pour lui, là. Tu sais, Shapovalov est quand même dans les meilleurs au monde, fait que c'est très bon pour lui. Non, je pense qu'il faut continuer de l'encourager, puis il faut espérer pour le mieux. Quand il va refaire une autre finale, il va sûrement rejouer, il va avoir l'occasion de se reprendre, ça, c'est sûr. Puis, qui sait, hein, peut-être ça va être en Australie, ça serait ouais. Super. Ouais. Mais écoutez, la route est longue, hein, c'est pas toujours facile. Il peut avoir l'aspect des blessures et tout, là, là-bas, la chaleur, bon, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais en tout cas, disons qu'il a l'air, bien, là, c'est beau à voir. OK. Si on parlait maintenant, si on parlait du côté des de Félix, il va jouer contre le Russe, ouais, c'est ça, le Russe, le Karatsov, 114e au monde, c'est qu'encore là, c'est le fun, parce que disons que le tableau est quand même, parce que faut dire que Karatsov a battu la 8e tête de série, le Diego Schwartzman. Fait que là, le tableau s'ouvre un petit peu pour Félix, tu sais, s'il était capable de remporter ce match-là, ben, tu sais, après, s'il tombe quart de finale, tout ça, ça fait que ça peut l'aider, là, aller chercher encore un petit peu plus de confiance, là, mais bon, c'est quand même pas des matchs faciles, tu sais, si lui a battu la 8e tête de série, c'est un joueur quand même qui est capable de jouer, mais disons que dans le passé, il a pas vraiment jamais battu, là, de tête d'affiche, là, comme ça, là, c'est sa première vraiment victoire, là, qui est aussi convaincant, mais ça joue sur le terrain. Moi, j'ai bon espoir. En tout cas, il est sur une belle lancée. Puis, tu sais, le fait aussi là, de gagner des matchs, tu sais, c'est pas trop ardu quand même là, contre Shapovalov 3-7. Donc, tu sais, il se fatigue moins que de jouer des longs 5-7, comme on a vu là, avec Tim, puis avec Kyrgios. Djokovic qui a joué 5-7 aussi, tu sais, c'est quand même plus fatigant. Là. Donc, tu laisses de l'énergie sur le terrain. Ça, il faut que tu le calcules aussi au bout de compte. Là. Fait que je pense qu'il va être, il devrait être frais et dispo pour sa prochaine rencontre. Là. OK. Je veux parler de Bianca Andreescu. Bianca qui a joué cette semaine, qui a gagné le premier match et a perdu le deuxième. Écoute, moi, je m'attendais un petit peu. Souvent, quand le premier match, ben, t'as l'adrénaline. Mais le deuxième, c'est souvent là que les bobos repartent. Puis elle, dans le cas de ses bobos, c'est la rouille. Elle n'a pas joué en 2020. C'est un peu normal, hein? Bah, c'est très normal. Écoutez, là, faut pas. J'espère que les gens ne sont pas comme en train de critiquer ou de juger. Je pense qu'il faut être patient parce que là, écoutez, elle n'a pas joué pendant. Ça fait quasiment un an et quelques mois là, qu'elle n'a pas joué de match. Donc, même si elle a joué des matchs de pratique, c'est pas quand même la même chose. Elle avait gagné son premier tour, bon, perdu son deuxième. Moi, j'avais pas nécessairement des grandes attentes tant que ça, là, compte tenu du fait que bon, elle n'a pas joué tant. Puis fait que je pense que c'est une question de temps dans son cas parce qu'elle a quand même fait des bonnes choses. Bon, un petit peu trop d'erreurs, bon, service plus difficile. Tu sais, il y avait des aspects de son jeu qu'on voyait là, qui n'étaient pas au rendez-vous. Là. Mais tu sais, avec quelques tournois, parce qu'elle est quand même très combative et tout. Fait que je pense que ça, là, elle va se reprendre, puis moi, je suis pas trop inquiète dans son cas, mais c'est le temps qui va nous le dire, hein. On a tout le temps peur au niveau des blessures, ben, c'est ça, toujours c'est ça, hein. Moi, je disais ce que John McEnroe a dit dans une entrevue avant le tournoi, il disait, dans le cas de McEnroe, il disait que faut qu'elle combatte la peur, puis comment tu combattes la peur, c'est en jouant. Oui, c'est ça, faut qu'elle joue. Oui, il faut qu'elle joue, faut qu'elle s'inscrive. C'est une erreur de pas faire un petit tournoi de préparation avant? Bon, c'est difficile à juger, hein. C'est parce qu'elle a vu qu'elle a été obligée d'être en quarantaine à l'hôtel, là, confinée dans sa chambre en raison du nombre de cas qu'il y avait eu dans l'avion et tout. C'est sûr que ça peut se débattre, là. T'sais, elle voulait s'entraîner. Puis pas nécessairement recommencer tout de suite avec juste un match parce qu'ils n'ont pas eu le temps de se préparer. Je pense que ça aurait été différent s'il n'y avait pas eu cette période-là de quarantaine. Moi, est-ce qu'elle aurait pu passer du temps sur les terrains, la surface, s'acclimater, la chaleur, bon, etc. Mais après ça, elle l'aurait joué son tournoi. Donc, écoutez, C'est ça. Ça dépend. Les gens peuvent avoir différentes opinions. Il y en a qui vont dire qu'on aurait peut-être dû jouer, puis bon. Mais après cette décision-là, c'est leur affaire. Hein. Et, de toute façon, il n'y a pas juste elle qui décide. Hein. Elle est quand même bien entourée. Fait que, puis elle est bien conseillée. Donc, c'est ça. Elle ne se sentait pas tout à fait prête là, pour tout de suite arriver puis jouer un match. Là. Donc, bon, c'est correct. Elle a le temps d'en jouer plein d'autres. Là. Elle va se reprendre, c'est sûr. Puis quand on va se sortir de la COVID, ben, là, la vie normale va reprendre son cours. Fait que on va espérer que pour elle, la seule chose, c'est que les blessures vont... c'est ça. Elle n'aura pas trop de blessures, là, parce que, disons qu'elle a eu son lot de blessures dans les dernières années. Là, fait que okay. Elle est quand même assez fragile. Là, je vais parler d'une voir, joueuse, là. Rebecca Marino. Écoute, on ne l'a pas vu venir du tout. Elle a joué deux matchs en Australie. Elle a gagné un match, puis elle en a perdu une. Écoute, elle revient de loin, de très loin, là, dans son cas, hein? Oui, effectivement. Ben, on l'avait vu aussi au Challenger Banque nationale de Saguenay. Là, elle avait gagné la deuxième édition, si je ne me trompe pas. Dans les premières années, parce qu'elle est quand même rendue à 30 ans. Là, ça fait que je pense que c'était lors de la deuxième année. Là, ou trois. Non, les deux premières, c'était Kerber. C'était peut-être la troisième année à ce moment-là qu'elle avait gagné. Ça veut dire que, écoutez, c'est ça. C'est sûr qu'elle avait arrêté, elle avait fait une genre de dépression, elle avait des genres de menaces là, sur les réseaux sociaux, elle avait toutes sortes, elle a vécu là, des choses quand même particulières puis qui n'ont pas été faciles pour elle. Fait qu'elle avait mis un stop à son tennis, elle est revenue, il y a eu des blessures aussi à travers tout ça. Donc c'est sûr qu'elle est déjà rendue à 30 ans, là. C'est sûr ça commence à être vieux un peu là pour faire sa marque sur le circuit, mais écoutez, tant qu'elle est bien dans sa peau puis dans sa tête puis que c'est ce qu'elle veut faire, je pense que c'est ça qui est le plus important. Puis on peut quand même lui lever notre chapeau parce qu'elle a fait un beau parcours, là, elle s'était qualifiée, elle a fait mais c'est une excellente joueuse, hein, une joueuse très puissante, un gros service, elle frappe fort. Donc c'est sûr qu'elle a fait de valeur dans son cas parce que si elle avait pas arrêté du tout, puis elle était déjà très bien classée au niveau mondial. Donc, je pense qu'elle aurait peut-être pu connaître une très belle carrière, mais écoutez, la vie en a décidé autrement. Puis l'année dernière, elle a perdu son père. Donc ça, je sais que ça l'a beaucoup affecté, avec raison, mais c'est ça, je pense que ça l'a quand même motivée là, à vouloir poursuivre, puis s'entraîner, puis faire des tournois. Donc, non, on était très fiers. On était contents aussi de l'avoir à l'œuvre, parce que, comme on dit, hein, on parle beaucoup de Bianca, on parle de Leila Fernandez, mais c'est le fun d'avoir d'autres Canadiennes aussi. Fait que, elle a bien représenté le Canada. Ouais. Et Leila Fernandez, dans son cas, elle n'a pas fait long feu, mais regarde, c'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'attendre à tellement des miracles. Caroline, un gros merci. On se reparle lundi prochain à la conclusion de la finale de chez les hommes et les femmes. OK, parfait. Voilà, donc c'était parfait. Caroline Delisle qui nous parlait de l'Omnium d'Australie qui bat son plein actuellement à Melbourne.